scrive la guardia. La guardia, puoi scrive la guardia. La guardia, puoi scrive la guardia. La guardia, puoi scrive la guardia. Oh, laisse-moi faire les bails, le sang est loco. J'ai quitté tôt l'école, j'fais beaucoup de fautes, wow. Mon pote, que tu me parles de l'autre, wow. Qu'est-ce que tu dois dire sur moi quand je retourne mon dos? J'ai la cote, wow, elle veut faire la photo. La pauvre, wow, elle sait pas que je suis comme un autre, wow. C'est pas facile, approche bien, je te montre bien ce qu'il y a dans mes yeux. Sous un assis, je repense aux proches dans les yeux. Oh, laisse-moi, boy, je fume ma ganja. J'fonce la municipale, les ninjas. Oh, laisse-moi, boy, je fume ma ganja. J'fonce la municipale, les ninjas. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. Tu fais le BG, tu disais à vie, je reste au check. Mais tu as connu ce boule, tu as perdu la boule, tu l'as lopé de suite. Paul, tu cours vite, lui paye même son popo. Ça devient chaud, chaud, t'as plus de vie, mon coco. Bien à Marseille, c'est devenu chaudas. Tous les petits veulent des grosses liasses. Ça va en boîte avec des glocas. Tous fous sous Jack Nel Coca. Oh, laisse-moi, boy, je fume ma ganja. J'fonce la municipale, les ninjas. Oh, laisse-moi, boy, je fume ma ganja. J'fonce la municipale, les ninjas. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. Laisse-moi, boy, je fume ma ganja. J'fuck la municipale, les ninjas. Oh, laisse-moi, boy, je fume ma ganja. J'fuck la municipale, les ninjas. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia. Oh, laisse-moi, boy, je fume ma ganja. J'fonce la municipale, les ninjas. La guardia, faut esquiver la guardia. La guardia, faut esquiver la guardia.